L'intrigue. En sortant de l'évêché, Mathilde n'hésita pas à envoyer un courrier à Madame de Fervaques. Elle conjurait sa rivale d'obtenir une lettre pour Monsieur de Frilair, écrite en entier de la main de Monseigneur l'évêque. Ce trait fut héroïque de la part d'une âme jalouse et fière. D'après le conseil de Fouquet, elle avait eu la prudence de ne point parler de ses démarches à Julien. Exaltée par un sentiment dont elle était fière et qui l'emportait sur tout son orgueil, Mathilde eût voulu ne pas laisser passer un instant de sa vie sans le remplir par quelques démarches extraordinaires. Au milieu de toutes ses angoisses, de toutes ses craintes pour la vie de cet amant auquel elle ne voulait pas survivre, elle avait un besoin secret d'étonner le public par l'excès de son amour et la sublimité de ses entreprises. Julien prenait de l'humeur de ne point se trouver touché de tout cet héroïsme. Qu'eût-ce été s'il eût connu toutes les folies dont Mathilde accablait l'esprit dévoué, mais éminemment raisonnable et borné du bon Fouquet? Il ne savait trop que blâmer dans le dévouement de Mathilde, car lui aussi eût sacrifié toute sa fortune et exposé sa vie au plus grand hasard pour sauver Julien. Enfin, il découvrit que les projets de Mademoiselle de La Mole variaient souvent et, à son grand soulagement, trouva un mot pour blâmer ce caractère si fatigant pour lui. Elle était changeante. Il est singulier, se disait Julien, un jour que Mathilde sortait de sa prison, qu'une passion si vive et dont je suis l'objet me laisse tellement insensible. L'ambition était morte en son cœur. Une autre passion y était sortie de ses cendres. Il l'appelait le remords d'avoir assassiné Madame de Rênal. Dans le fait, il en était éperdument amoureux. Il trouvait un bonheur singulier quand, laissé absolument seul, il pouvait se livrer tout entier au souvenir des journées heureuses qu'il avait passées jadis à Verrières. Ses dispositions, qui s'accroissaient rapidement, furent en partie devinées par la jalousie de Mathilde. Quelquefois, elle prononçait avec terreur le nom de Madame de Rênal. Elle voyait frémir Julien. Sa passion n'eut désormais ni borne ni mesure. Au milieu des transports les plus vifs, quand elle serrait contre son cœur la tête de Julien, « Quoi ?» se disait-elle avec horreur. « Cette tête charmante serait destinée à tomber. Eh bien, ajoutait-elle enflammée d'un héroïsme qui n'était pas sans bonheur, « mes lèvres qui se pressent contre ses jolis cheveux seront glacées moins de 24 heures après. » « J'ai une grâce à vous demander, » lui dit un jour son amant. « Mettez votre enfant en nourrice à Verrières. Madame de Rênal surveillera la nourrice. »« Ce que vous me dites là est bien dur. » Et Mathilde pâlit. « Il est vrai, et je t'en demande mille fois pardon, » s'écria Julien, sortant de sa rêverie et la serrant dans ses bras.